Radiomatique. Thank you. La transmission 003 de l'émission audiomatique de ce mercredi 8 octobre 2014 s'amorçait avec le duo britannique Future Sound of London qui nous offrait la pièce Somatosensory tirée de leur nouvel album Environment 5. Comme son titre l'indique, cet album est le cinquième de la série Environment, mais contrairement aux autres albums de la série, il est le seul à contenir du nouveau matériel de Future Sound of London. C'est donc un premier vrai nouvel album depuis leur album Dead Cities, paru en 1996. Ils ont par contre fait paraître des albums au cours des dernières années sous le pseudonyme de Amorphous Androgynous. Les électronistes vous accueillent aujourd'hui, comme à chaque semaine, pour vous faire entendre une sélection de pièces issues du très vaste répertoire actuel et historique de la musique électronique. Avant de poursuivre, il convient de signaler à ceux et celles qui n'auraient pas eu l'opportunité d'entendre les transmissions précédentes d'Audiomatique qu'il est possible de les écouter en différé. Vous trouverez les liens vers les transmissions antérieures en visitant notre page sur Facebook à Audiomatique C'est Fou. Audiomatique C-F-O-U. Maintenant, écoutons sans plus tarder la musique du projet français Mlada Fronta qui se fait entendre à l'instant à travers la pièce Year 6.

Juste avant la publicité, la formation canadienne Frontline Assembly concluait la séquence musicale à Audiomatic avec une de leurs plus récentes compositions intitulée Next War. Cette pièce se trouve sur Echoes, une parution qui consiste en une série de remixes de pièces de l'album Echogenetic, des remixes qui sont réalisés par différents artistes et projets, entre autres Ojob, Heck et Tweaker. Pour n'en nommer que 3 sur les 16 qui ont apporté leur contribution à cet album. Echoes comporte également 2 titres exclusifs, dont celui que vous venez tout juste d'entendre. Auparavant, c'était une collaboration entre le projet Loss et l'artiste Philip Munch, mieux connu pour sa participation au groupe Synapscape. Philip Munch et Lost interprétaient la pièce Daybreak de leur album conjoint Transcontinental Desperation, qui est sorti à l'hiver 2014. Et nous débutions avec Emlada Fronta et la pièce Year 6, publiée sur la compilation double Codex. Il est également possible de trouver cette pièce sur l'album en format digital, intitulé Le Cycle du Soleil. Monsieur Rémi Pellicci, l'âme derrière le projet Emlada Fronta, a préparé un nouvel album qui est présentement sous presse, dont le titre est Polygon. Pour les fanatiques, cet album sera aussi accompagné d'un vinyle intitulé Night Run, produit en édition limitée, qui présentera des versions alternatives de pièces de l'album. La sortie du CD est prévue pour le début du mois de novembre et le vinyle suivra sous peu au mois de décembre. La prochaine séquence musicale à Audiomatic débutera avec la pièce Serenata, qui a été composée en 1921 par les frères Luigi et Antonio Russolo, qui faisaient partie à l'époque du mouvement littéraire et artistique Le Futurisme, qui rejetait la tradition esthétique et exaltait le monde moderne, en particulier la civilisation urbaine, la machine et la vitesse. Luigi Russolo est considéré par plusieurs comme le père de la musique bruitiste. Il a d'ailleurs inventé un instrument, le Intonarumori, que l'on pourrait traduire par « joueur de bruit ». Vous trouverez d'ailleurs sur la page Facebook de l'émission Audiomatic une vidéo qui montre le fonctionnement de cet instrument précurseur. Alors sans plus tarder, voici Luigi Russolo et son frère Antonio Russolo avec la pièce Serenata à Audiomatic. Thank you. on pouvait entendre à Audiomatic la musique d'Aphex Twin, le projet du Britannique Richard D. James, qui nous présentait sa composition Cirklont 6A Syro Bunkus Mix, paru sur son album Syro, S-Y-R-O. Aphex Twin ne nous avait pas donné de nouvel album depuis 2001, et plusieurs sont restés sur leur faim avec Syro. Puisqu'au début des années 90, M. James a littéralement façonné de nouveaux courants de la musique électronique et qu'il a laissé sur les générations futures une influence marquée, et puisque nous n'avions rien entendu de nouveau d'Aphex Twin depuis 13 ans, je peux comprendre la déception à l'écoute de cet album qui ne réinvente absolument rien. Si jamais, par contre, vous ne connaissez pas la musique de Richard D. James, je vous conseille d'orienter vos recherches à travers son œuvre parue dans les années 90. Et si vous êtes familier avec sa musique, vous pouvez y jeter une oreille curieuse sans trop d'attente et vous aurez comme moi du plaisir à découvrir certaines pièces de ce nouvel album. Précédemment à Aphex Twin, il s'agissait de Bio Bazar, le projet du trifluvien Danny Janvier, de qui on entendait 4h20, extrait de son nouvel album Vitaphone, que je vous invite à découvrir dans son entièreté sur le site Bandcamp au biobazar.bandcamp.com. Et en début de séquence, nous avons pu entendre les frères Luigi et Antonio Russolo et la pièce Serenata 1921 que l'on peut retrouver sur l'album Die Kunst der Geräusche, qui veut dire l'art du bruit, paru sur l'étiquette allemande Vergo, qui a réussi à extirper des vestiges de l'époque, les rares enregistrements de Luigi Russolo et de ses expérimentations sonores. La prochaine séquence sera composée de deux pièces qui s'inscrivent en phase avec les courants musicaux Minimal Wave et New Wave, apparus à la fin des années 1970, début des années 80. Deux genres qui ne sont jamais vraiment morts par ailleurs, particulièrement le Minimal Wave qui semble revivre depuis quelques années. Les deux pièces feront le lien entre le présent et le passé, puisque nous débutons avec le titre faux-semblant du très actuel projet français Position Parallèle, avant de retourner dans les années 1980 avec la formation Noia, N-O-I-A, qui interprète sa composition Forbidden Planet. Donc voici tout d'abord Position Parallèle et la pièce faux-semblant à Audiomatic. Ma place, allongé sur un lit, dans un laboratoire. Forbidden planet. We will make love. La séquence musicale se terminait en compagnie de la formation italienne NOIA, qui a surtout évolué dans les années 1980. La pièce que nous avons écoutée, Forbidden Planet, paraît sur la compilation Italia New Wave, disponible en vinyle seulement. Elle est aussi disponible sur l'anthologie The Sound of Love, qui regroupe des pièces créées par NOIA entre 1983 et 1987. Avant cela, nous entendions le projet français Position Parallèle, une des rares formations du genre à chanter dans la langue de Molière. La pièce Faux Semblant est tirée de son plus récent album Néon Blanc, sorti en 2013. C'est déjà presque tout pour la transmission 003 d'Audiomatic en compagnie des électronistes qui espèrent que vous avez apprécié ces moments dédiés à la musique électronique. Prenez note que l'émission Audiomatic est rediffusée les samedis à 20h sur les ondes de CFOU 89.1 FM et aussi que les transmissions antérieures sont disponibles en différé. Vous n'avez qu'à suivre les liens postés sur la page Facebook Audiomatic CFOU. Si jamais vous désirez communiquer avec nous, nous vous invitons à le faire en nous écrivant à l'adresse audiomatique@commercial.gmail.com. Pour terminer l'émission de ce soir, nous entendrons Millipede, le projet de Don Hill, qui nous présentera sa composition For Now de son album A Mist and a Vapor. Les électronistes vous invitent à s'intoniser C'est fou mercredi prochain dès 18h pour la transmission 004 d'Audiomatic. Restez à l'écoute. Les audacieuses suivent à 19h.